Schizophrène MC, place en quarantaine. Mise au point rapide, outrage volontaire. L'ambiance est spartiate de janvier à décembre. Un calbut, je descends par l'attraction sur la terrasse. Schizophrène MC, place en quarantaine. Mise au point rapide, outrage volontaire. L'ambiance est spartiate de janvier à décembre. Un calbut, je descends par l'attraction sur la terrasse. L'argent n'est pas le bonheur, non, c'est la taille de la bite. Tu vis sa mine réjouie, allongée sur le lit. La crème n'est pas allégée, léger quand j'ai les couilles vides. Le calibre chargé en cas de litige. Influencé par Queensbridge, Compton et Long Beach. Chess, Miami, Atlanta, Philly, fil. Dans le son depuis l'époque où Wallberg était un new kid. Retour aux affaires comme Eric et Paris. Je croyais être élu comme Kenny Reeves dans la Matrix. Chronique dans le poste, retour en 90. Représente pour mes homies de Lauréane en roue libre. Mec Brown dans le plan McFly Marty. Schizophrène MC, place en quarantaine. Mise au point rapide, outrage volontaire. L'ambiance est spartiate de janvier à décembre. Un calbut, je descends faire l'attraction sur la terrasse. Schizophrène MC, place en quarantaine. Mise au point rapide, outrage volontaire. L'ambiance est spartiate de janvier à décembre. Un calbut, je descends faire traction sur la terrasse. La tension monte, j'attends pas de monde. 6h du mat, frappe à la porte. Charge le pompe, l'heure de faire les comptes. Le réveil sonne, libération. Presque aussi réel que ma feuille d'imposition. On m'a dit de prendre position, qui ne dit mon consent. Je reste d'humeur constant quand je pète pas les plombs. Conscient de ma situation sociale. L'assistance aux abonnés absents. Passe un surin, je crève l'abcès, c'est cette vie n'a pas de sens. En dehors de la bouffe, la baisse, la console, les dépenses incessantes. Schizophrène MC, place en quarantaine. Mise au point rapide, outrage volontaire. L'ambiance est spartiate de janvier à décembre. Un calbut, je descends faire l'attraction sur la terrasse. Schizophrène MC, place en quarantaine. Mise au point rapide, outrage volontaire. L'ambiance est spartiate de janvier à décembre. Un calbut, je descends faire l'attraction sur la terrasse. Une heure par jour à l'usine, plus le temps pour la musique. J'envoie une prod basique comme une paire de Stan Smith. Un instant, je fixe l'avenir. Et je passe la première, le cul vissé sur le siège. Comme à l'époque où je planquais des trucs dans les portières. Relation porno sur la banquette arrière. Mais à coup le pas, je me prosterne pendant que mes démons observent. Travail d'orfèvre, comme si je coupais cette merde pour doubler les recettes. Vente, échange, recel, je connais les ficelles. À street, le business, à mi-parcours, dans le meilleur des cas, je reste à l'écart de ce bordel. Schizophrène MC, place en quarantaine. Mise au point rapide, outrage volontaire. L'ambiance est spartiate de janvier à décembre. Un calbut, je descends faire l'attraction sur la terrasse. Schizophrène MC, place en quarantaine. Mise au point rapide, outrage volontaire. L'ambiance est spartiate de janvier à décembre. Un calbut, je descends faire l'attraction sur la terrasse.